Vous écoutez Futur Simple, vous êtes toujours à l'écoute de CKRL et toujours au 89.1 et nous terminons l'émission en compagnie de Clémence Sirot, notre chroniqueuse du tourisme scientifique. Bonjour Clémence. Bonjour Valérie. Et aujourd'hui Clémence, tu nous emmènes à l'île aux grues. Oui, tout à fait. Alors je suis allée à la découverte de cette petite île qui est en face de Montmagny. Puis j'ai vraiment trouvé que c'était un endroit dépaysant, quasiment exotique à mon goût. Et en plus, c'est pas loin de Québec. Donc, je trouvais ça intéressant. Puis, le côté insulaire de l'île, en plus, est vraiment particulier. Ouais. Les enfants sont obligés d'aller à l'école en avion tous les matins et tous les soirs parce que les marées correspondent pas. Avec l'heure de rentrée des classes, ouais. Voilà. Donc, ils sont un peu bloqués sur l'île et donc, ils sont obligés de prendre l'avion tous les jours. Je trouvais ça assez intéressant. Et puis, au niveau scientifique, je voulais vous parler des oiseaux qui sont sur l'île parce que c'est un véritable sanctuaire, un paradis de l'ornithologie. Et donc, on en parle dans le reportage. L'île aux grues est réputée pour ses nombreuses espèces d'oiseaux. Jocelyn Landry, propriétaire de l'entreprise écotouristique Ornitour, organise des visites ornithologiques sur l'île. C'est souvent le lien entre le fait qu'il y a 110 personnes qui vivent à l'île aux grues et il y a plus de 210-250 espèces d'oiseaux. Cette impressionnante diversité d'oiseaux est due à plusieurs raisons. Tout d'abord, la position est-ouest de l'île est stratégique. C'est à cet endroit que se rencontrent les eaux douces et salées du fleuve. Cela apporte une légère salinité dans l'eau et ces conditions sont idéales pour certaines plantes comme le sirpe, cette plante verte que l'on voit sur les battures durant l'été. Mais il faut savoir qu'au début de la colonie, le sirpe a joué un rôle très important puisque la population mondiale de grandes oies des neiges, donc les grandes oies blanches, autrefois on ne voyait les oies que dans l'archipel de l'île aux grues, puisque l'anatomie de l'oiseau est de se plonger la tête dans la vase et d'aller chercher dans la vase les racines, les rhizomes de la plante, avec des petites denticules qu'on retrouve sur le pourtour du bec et sur la langue de l'oiseau. Donc les oies blanches ont été très présentes dans le secteur et ça, c'était pour les premiers colons une manne qui tombait du ciel. Grâce à cette rencontre des eaux douces et des eaux salées, certains poissons comme l'esturgeon noir se retrouvent près de l'île. Et on sait que l'esturgeon se nourrit de l'anson. Ce serait la même nourriture qu'un oiseau aime beaucoup. Il s'agit du petit pingouin. En anglais, on l'appelle Razor Bill. Le petit pingouin, c'est son nom. On le retrouve sur un rocher, sur les battures, juste en face de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, il y a une population de 800 à 1000 petits pingouins qui s'accrochent sur ce rocher pour y nicher. Donc, ils vont chaque année pondre l'unique œuf, les couples ensemble pour la vie du petit pingouin ont choisi cet endroit puisque dans les îles, il n'y a pas de prédateurs à quatre pattes. Donc, il n'y a pas de renards, de coyotes, de moufettes. Donc, les oiseaux peuvent nicher au sol sans trop de problèmes. Ainsi, les oiseaux retrouvent ici de nombreuses plantes pour se nourrir. L'autre raison de cette abondance d'espèces d'oiseaux est qu'aucun prédateur ne se trouve sur l'île. Ils peuvent nicher en toute sécurité. Mais aussi, c'est un mélange, un repère nord-sud aussi. Je vous explique, les oiseaux arrivent du sud face à l'immensité du fleuve lorsque les oiseaux arrivent le printemps pour la migration. Ils vont parfois s'arrêter sur la rive sud du fleuve. Ils vont s'arrêter aussi dans les îles, là où il n'y a pas de prédateurs, comme je vous expliquais tout à l'heure. Mais aussi, on parle beaucoup du Cap Tourmente. Le Cap Tourmente est un haut lieu pour l'observation des oiseaux. Et c'est aussi un mur. À partir du Cap Tourmente, en allant vers l'est, on ne retrouve plus vraiment de battures aux abords du fleuve. La chaîne de montagnes coupe littéralement dans le fleuve. D'ailleurs, c'est là que passent les bateaux pour la navigation de nos jours. Donc, il y a presque aussi profond que de hauteur de montagne. Donc, ce mur naturel du Cap Tourmente, fait que le Cap Tourmente est un haut lieu d'observation, mais les îles aussi, juste en face. Donc, on peut retrouver parfois des oiseaux perdus dans les grands vents de tempête. Il m'est arrivé de voir le pélican brun, qui a été vu seulement deux fois au Québec, depuis qu'on fait des recensements d'oiseaux. Donc, c'est comme un dernier escale possible pour certaines espèces qui arrivent du sud, donc de se retrouver dans l'archipel de l'île aux grues, parce que là, ils vont trouver abondance de nourriture, peu de prédateurs, et donc possibilité d'avoir une nichée avec succès. Il y a même des canards qui vont tenter parfois de nicher une deuxième fois, ce qui est inusité pour un endroit si au nord. Les oies blanches, les petits pingouins, les canards, toutes ces espèces se retrouvent sur l'île aux grues. Les vedettes aviaires à l'île aux grues, sans contredit, le râle jaune. Le rail jaune est une espèce qu'on croyait disparue de la planète dans les années 80. On savait qu'il en restait un couple du côté de Rimouski, un autre du côté de Dundee, aux limites de l'Ontario, du Québec et des États-Unis. Et c'est un oiseau nocturne avec de grandes pattes, le râle jaune. Il y a un biologiste qui s'est affairé à faire des recherches au cas où il pourrait trouver sur les longues battures entre l'île aux oies et l'île aux grues cet oiseau. Il faut savoir que l'île aux grues et l'île aux oies sont deux îles qui sont rattachées. Alors, si on lit sur l'histoire des îles, on se rend compte que les premiers colons se sont installés là en 1645. Étant donné l'abondance de gibier à plumes, mais aussi de la grande batture, une batture qui est labourée, si je peux dire, par les glaces le printemps. Vous savez, lorsqu'il y a une grande marée du printemps, c'est là que les deux îles sont vraiment séparées. Sinon, le reste de l'année, c'est une grande prairie, c'est un grand champ. Et c'est là qu'on a retrouvé le râle jaune il y a quelques années. En fait, on n'en a pas retrouvé qu'un seul, on en a retrouvé 110 qui ont été bagués, auxquels on a mis des colliers émetteurs afin de connaître leur déplacement. On s'est rendu compte que ce sont des oiseaux qui vont jusqu'au Texas pour leur migration. Ce sont des oiseaux nocturnes, peu connus des visiteurs ou des ornithologues. On le voit pas souvent, c'est plutôt discret comme oiseau. Avec deux cailloux qu'on frappe ensemble, on peut imiter le chant de l'oiseau, qui est un espèce de cliquetis. Là, c'est pas un chant tellement évolué, c'est un oiseau qui est nocturne, donc il n'y a pas besoin d'avoir un chant très étoffé. Donc, il fait un bruit de cailloux qui se frappent ensemble. Et c'est comme ça que les biologistes l'attirent et peuvent le peser, identifier c'est quoi son alimentation, en apprendre un peu plus sur cet oiseau. Et la rareté de cet oiseau sur la pâture a fait qu'on décrétait le secteur Zico, soit une zone importante de conservation des oiseaux. Et c'est un parc, si on peut dire, c'est une appellation qui fait de cet endroit un lieu mondial important qu'il faut protéger. Donc, un habitat plutôt rare. On dit que c'est le plus grand homarais sauvage au nord-est de l'Amérique du Nord, soit la batture de l'île aux oies et de l'île aux grues. Le célèbre peintre Jean-Paul Riopel a fini sa vie sur l'île aux grues. Donc, Riopel, qui a vécu sur la pointe Est, au manoir Manchester-le-Moine, s'est beaucoup inspiré dans ses tableaux. On retrouve le hibou. Donc, on fait référence au hibou des marais qui niche sur les battures et qui est souvent sur le chemin de gravel la nuit pour se reposer, pour se réchauffer. Donc, il est possible de l'observer assez régulièrement lorsqu'on va sur la batture. Et les oies blanches, bien entendu, qui ont été très importantes dans l'œuvre de Riopel. Mais il souhaitait faire de la pointe ouest de l'île, la pointe au pin, une réserve où la faune et la flore de l'île seraient protégées. Depuis juin 2007, c'est chose faite. L'organisme Conservation de la Nature a racheté ce boisé de 48 hectares et l'a aménagé en un sentier qui porte d'ailleurs le nom de l'artiste. Les visiteurs peuvent tout le long du circuit de 2,5 km observer des arbres, dont des érables de plus de 300 ans, mais aussi des insectes tels que le papillon de nuit, le Axia luna, et aussi des plantes qu'on ne trouve que sur deux îles dans la région, comme la Fouerquée. C'est alors un lieu qui n'est pas très prisé encore des ornithologues. L'accès à l'île est assez difficile. On peut traverser avec un traversier qui va au rythme des marées, donc à partir de Montmagny. C'est seulement une fois ou deux par jour en fonction de la marée la plus haute. Donc, parfois, l'heure de marée tombe à des heures qui sont pas toujours, qui coïncident pas avec nos habitudes de vie, ce qui fait que l'île reste encore à découvrir au point de vue ornithologique. Comme le dit si bien Jocelyn Landry, l'abondance d'oiseaux ne peut pas laisser personne indifférent. Et Riopel, qui aimait entre autres voler et qui aimait naviguer, s'inspirait des paysages qui l'entouraient, parce qu'encore aujourd'hui, si vous marchez sur les îles aux grues et que vous tournez sur vous-même, vous allez voir un paysage patrimonial à perte de vue qu'ont pu voir les premiers Européens, que les montagnes, le fleuve, la pâture, c'est très sauvage, c'est unique, c'est très inspirant. Bah, dis-moi Clément, ça a l'air d'être une belle visite. Oui, l'île a vraiment réussi à garder son charme. Puis les habitants ont réussi un mélange intéressant. Ils mélangent la culture avec l'histoire de Riopel. Puis il y a de nombreux artistes qui vont s'installer sur l'île aussi. Et en même temps, le côté nature avec toute cette faune et cette flore, c'est vraiment un beau mélange. Jocelyn Landry, qu'on entend dans le reportage, m'a aussi fait remarquer quelque chose d'intéressant. C'est le fait que le lien en fait historique entre les habitants des îles de l'archipel et avec les oiseaux. Alors, il me parlait du nom des îles, c'est assez flagrant. Il y a l'île aux oies, l'île aux grues, puis ouais. Il y a plein d'autres noms comme ça. Et juste une petite remarque, en fait, l'île aux grues, il n'y a jamais eu de grues sur l'île. Non. Non, c'est des explorateurs français qui ont cru voir des grues en arrivant, qui ont donné le nom à l'île, et finalement, en fait, c'était des grands hérons qui ressemblent, ressemblent à cet oiseau-là. Ouais. Ah, mais c'est marrant, ça. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une belle visite, donc un encouragement à tout le monde à aller visiter, vraiment. Prendre connaissance avec la faune et la flore de cette île-là, du Québec, et particulièrement de cette île-là. Donc là, Clémence, tu pars à Vancouver bientôt, et tu nous reviens avec des idées de tourisme scientifique à Vancouver? Tout à fait, je suis ravie d'aller à Vancouver et je vais vous faire un petit reportage là-bas. D'accord, bah merci beaucoup Clémence. Merci, au revoir.